Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la soirée. D'abord, en voici sa chère fente. La 8e conférence des pays membres de la communauté est-africaine sur le pétrole et le gaz qui se tenait à Bujumbura il y a 3 jours a pris fin ce vendredi. Au niveau du ministère de l'énergie et des mines, on reconnaît qu'il y a l'existence des hydrocarbures dans le lac Tanganyika et dans la Rusizi, mais le Burundi manque de moyens pour passer aux recherches et à l'exploitation. Les contribuables possédant une carte SIM de la société de télécommunications limitée vont bientôt pouvoir payer les taxes et impôts de l'OBR via leur téléphone mobile. Le commissaire général de l'OBR explique que cette opération sera possible grâce à un nouveau produit dit payé Aubert via Limitel. Vous entendrez dans ce journal Audace Niyonzima. L'Ordre national des pharmaciens du Burundi demande au ministère de la Santé de redoubler plus de vigilance dans la supervision des médicaments qui sont vendus dans différents centres de santé et pharmacie implantés au Burundi. Le président de cet organe consultatif trouve que la vente des médicaments périmés est un fléau qui mine la plupart des pays du monde. Et en actualité sportive, l'entraîneur de l'équipe nationale burundaise Intamba Murugamba compte remporter le match de ce samedi entre le Burundi et le Sud-Soudan. Olivier Nyongeko tranquillise que les préparatifs furent relatifs bon entre voir là pour les titres. Serafina Kizimana sur la mise en onde à la présentation Placide Niyomungé. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais tantôt, la 8e conférence des pays membres de la communauté est-africaine sur le pétrole et le gaz a pris fin ce vendredi après 3 jours à Bujumbura. Paul Ndalihoranye, le directeur général de la recherche géologique et du cadastre minier au ministère burundais de l'énergie et des mines, indique qu'il y a des sédiments qui montrent l'existence des hydrocarbures dans le lac Tanganyika et dans la Lusizi. Seulement, le Burundi fait face au manque de moyens financiers pour passer aux recherches et à l'exploitation, d'où il faut dans l'avenir s'inspirer de la technicité des autres pays de la communauté déjà avancée. Suivez le directeur général Paul Ndalihoranye. Le Burundi essaie d'acquérir de l'expérience, mais aussi c'est grâce à ces présentations que les investisseurs dans ces États pourront venir au Burundi afin d'investir et d'utiliser la technicité et les ressources déjà mises en place au niveau de ces pays déjà avancés. Alors je dirais que du côté du Burundi, une fois que nous allons avoir des sociétés privées avec une technicité requise, on pourra alors aller de l'avant puisque le lac Tanganyika est dans le même prolongement que le système de Rift Valley de l'Afrique de l'Est. C'est là où on trouve le lac Albert, le lac Kivu, où on a déjà trouvé du gaz méthane. Alors, côté lac Tanganyika, ça nous manque seulement les moyens et la technicité pour pousser l'exploration. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne peut pas donner d'échéance. On attend les techniques de ces pays voisins. On n'a pas vraiment d'indications dignes. C'est-à-dire, si on aurait des indications, on pourrait vous dire que les réserves déjà évalué et à une telle quantité. Mais les explorations qu'on a déjà faites ne nous ont pas conduit à l'évaluation des réserves. C'est pourquoi je dis qu'une fois que nous allons avoir des sociétés qui pourra nous aider à évaluer ces réserves, on pourra alors aller au même niveau que les autres pays. Le premier défi concerne le manque de techniciens, c'est-à-dire les géophysiciens ou les géologues pétroliers qui sont formés. Les géophysiciens qu'on avait dans la direction générale sont tous partis en retraite. C'est là alors l'appel qu'a lancé pour lever ce défi, c'est que le gouvernement devait songer à former d'autres géophysiciens ou à former des géologues pétroliers pour le suivi de telles activités. Deuxième défi, c'est qu'on a un budget insuffisant qui ne facilite pas d'avoir ou d'acheter les équipements équipements nécessaires ou les équipements modernes pour faire la recherche, mais aussi conformément ou compte tenu aux autres États de la sous-région. Dans ces États, il y a un comité national pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, mais dans notre pays, ce comité n'existe pas. Alors, au gouvernement, c'est de mettre en place ce comité et de le doter des moyens financiers et techniques pour vaquer à leurs activités. C'était Paul Ndaliho Nyoye et non Ndaliho Lanyé. Il est directeur général de la recherche géologique et du cadastre minier au ministère burundais de l'énergie et des mines. Les habitants de la ville de Bujumbura se disent satisfaits de la promesse du ministère de l'énergie et des mines, annonçant la disponibilité suffisante du courant électrique dans un prochain avenir. Néanmoins, certains de ces habitants demandent que le gouvernement renonce à son projet de revoir à la hausse le coût du courant électrique, car cela reviendrait à aggraver leur pauvreté, tandis que d'autres se réjouissent de cette future disponibilité du courant électrique, quel que soit le coût de cette électricité. Suivez certains de ces habitants qui se sont exprimés au micro de la Radio Sanganyiro. La hausse du coût de l'électricité n'est pas un problème pour nous, mais seulement la population est hantée par la pauvreté. On devrait plutôt chercher une solution pour traquer la hausse du prix de cette électricité. Nous qui vendons des limonades, par exemple, avons besoin du courant électrique pour nos frigos. Si le prix monte, le bénéfice est réduit et ça affecte mes affaires. Nous sommes choqués par le manque d'électricité. Si nous pouvons avoir du courant, quel que soit le coût, cela nous enchanterait. Si on augmentait le coût, nous allons à notre tour augmenter le prix de nos produits. Par exemple, nous sommes bloqués dans notre travail aujourd'hui suite au manque du courant électrique. Nous avons bien accueilli cette promesse car l'électricité nous permet de bien travailler et de satisfaire nos clients. Mais s'il y a perturbation du courant électrique, nos clients se lamentent. Si alors cette électricité devient disponible tous les jours, nous serons bien à l'aise ainsi que nos clients. Pour moi, le gouvernement doit faire tout son possible pour que le courant électrique soit disponible, car c'est très indispensable pour la vie du peuple. Le manque du courant paralyse la vie des familles, mais je suis contre cette hausse du coût de l'électricité qui viendrait accentuer la pauvreté. On devrait plutôt penser à la baisse des prix de tous les produits. Toujours dans l'économie, les contribuables utilisant une carte SIM de la société de télécommunications limitée vont pouvoir désormais payer les taxes et impôts de l'Office burundais des recettes OBR via leur téléphone mobile. Le commissaire général de l'OBR explique que ce paiement sera possible grâce à un nouveau service de Limitel baptisé Riha OBR na Limicash ou payer OBR via Limicash, ce qui va permettre, selon lui, la réduction ou la disparition des files d'attente devant les différents guichets de l'OBR ou des banques. Audace Niyonzima précise que ce produit va concerner dans un premier temps les petites taxes. Il a dit ce jeudi lors du lancement officiel de ce service. On l'écoute. Le nouveau service payer OBR via Lumicash, c'est un nouveau produit que nous lançons aujourd'hui. Ça va consister à payer les taxes et quelques impôts à travers le téléphone mobile. C'est-à-dire que le contribuable va payer à la société Lumitel et Lumitel va charger son téléphone et le contribuable va payer les taxes et les impôts à travers le téléphone mobile. Ce que nous allons gagner, d'abord le contribuable n'aura plus besoin d'aller s'aligner au guichet de l'OBR ou au guichet des banques pour payer les taxes ou les impôts. Donc il va payer à travers son téléphone téléphone mobile. Et ce que nous allons encore gagner au niveau de l'OBR, c'est que on va suivre de près, en temps réel, dans la machine, tout contribuable qui aura payé à travers le service LumiCash. Donc, on aura gagné en termes de temps, en termes de ressources, puisque le contribuable n'aura plus besoin de payer le déplacement, de se déplacer avec les fonds pour aller payer. Nous espérons que ça va permettre de mobiliser davantage. Est-ce que pour le moment, on peut dire que les contribuables peuvent emprunter ce chemin pour payer toutes les taxes? Ou bien il y a encore des services qui sont premièrement concernés? Dans un premier temps, ce ne seront pas toutes les taxes et tous les impôts. On va commencer par les taxes qui portent sur des petites sommes, mais qui impliquent le plus grand public. Notamment les taxes qui portent sur le paiement des extraits du casier judiciaire, ce qu'on appelle communément les déclarations, les contrôles techniques de l'OTRACO, les cas de vaccination, les droits de propriété intellectuelle. Donc, mais au fur et à mesure qu'on va développer le produit, on va intégrer toutes les autres taxes et les impôts. Et le contribuable qui aura payé les taxes aura un document justificatif comme avant ou bien? Le contribuable qui va payer aura une preuve de paiement dans son téléphone mobile. Vous savez qu'il aura un message dans sa boîte qui atteste qu'il a fait le paiement. Le même message pourra être retrouvé dans les machines de l'OBR. Et le même message peut être imprimé et sous forme de preuve de son paiement. Donc, il n'y aura rien qui va se perdre. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Dans la suite de cette édition, l'Ordre national des pharmaciens trouve que la lutte contre le trafic des médicaments est un combat de tout un chacun. Désiré Bizimana, président de cet organe consultatif, indique que la vente des médicaments périmés constitue un fléau qui menace plusieurs pays du monde. Il demande au ministère de la Santé de redoubler de vigilance dans la supervision des médicaments qui sont vendus dans plusieurs pharmacies et centres de santé qui sont éparpillés un peu partout sur le territoire national. Je vous prie de l'écouter. Nous condamnons fermement ces actes et nous interpellons la conscience de la population, de l'administration et de tout le monde pour qu'on se mette ensemble et lutter contre ces actes qui sont des actes criminels. Et vous savez que un médicament périmé, une fois utilisé, peut causer des dégâts sur la santé, peut même entraîner la mort de la personne qui consomme ces produits. Vous savez, les médicaments, ce ne sont pas des produits comme tant d'autres. Une fois utilisés, après l'expiration, ce deviennent des produits très dangereux. Alors, la contrefaçon, c'est quelque chose qui se passe actuellement partout dans le monde et c'est quelque chose d'actualité. C'est tout le monde qui doit se mettre ensemble pour lutter contre ces contrefacteurs, pour lutter contre cette contrefaçon. Au niveau du ministère de la Santé publique, nous demandons qu'il y ait des inspections normatives régulières. Nous avons constaté ces derniers temps des pharmacies ouvertes, des centres de santé ouverts un peu partout, en nombre un peu inquiétant. Et nous avons le doute que toutes ces pharmacies travaillent en respectant la loi. Alors nous interpellons le ministère pour que ces inspections soient régulières. Et une chose préalable, pour faciliter la traçabilité des médicaments, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'homologation des médicaments au Burundi. C'était Désiré Bizimana, il est président de l'Ordre national des pharmaciens du Burundi. Capé sur Bururi pour parler de cette population de Gigout en commune, viendra de la même province de Bururi, où certaines de cette population s'insurgent contre le remplacement du chef collinaire opéré mercredi. Il disait que la loi n'a pas été respectée au niveau du conseil communal de Vianda. L'on indique qu'il n'est pas en être au courant malgré maintes demandes. C'est une correspondance signée Jean-Pierre Misako. Certains parmi la population de Kigutu qui avaient répondu présent à la rencontre avec Nsabimana Paul, conseiller technique au développement de la commune Vianda, n'ont pas attendu la fin de son discours pour le louer le mercredi au terrain de football de Kigutu. Selon des témoins sur place, cet envoyé de l'administrateur communal de Vianda était en effet venu procéder au remplacement d'Ogahungu Etienne par Célestin Douayo, alias Mambo, son adjoint à la tête de Kigutu. Etienne Gahungu se trouvait en effet sur la liste des 6 élus collinaires destitués par l'administrateur communal de Vianda en avril de cette année et qui devrait être remplacé. Il était accusé d'insubordination et de constituer un blocage au développement de cette colline, ce que rejette en bloc les gens de Kigutu interrogés, arguant que c'est plutôt la défense des intérêts de sa population qui lui a attiré des foudres de l'autorité communale. Ils ajoutent qu'il a été même le seul à formuler une lettre de recours parmi les 6 élus collinaires destitués au même moment que lui. Et ça ne devrait pas donc être lui à être le premier à remplacer, même irrégulièrement. Alors que Dieudonné Nkezimana, administrateur communal de Vianda, dit travailler en toute légalité, Niyongabo Sulpice, président du conseil communal de Vianda, dit que cette autorité communale est hors la loi communale et même la loi électorale. Sulpice informe que c'est le conseil communal qui avalise de telles mesures et dans ces conditions, Barandondera Philemon, cinquième élu de Mushishi, est le seul régulièrement destitué et les autres cas seront analysés lors de la prochaine session ordinaire du conseil communal de Vianda prévue dans ce même mois de juin. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Pour clore cette édition, vous parle de cette actualité sportive où les préparatifs des Inhamba Murugamba pour le match comptant des éliminatoires de la CAN 2019 contre le Sud-Soudan vont bon train. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi, l'entraîneur des Inhamba Murugamba, Alain-Olivier Niyungeko, compte remporter le match de ce samedi. Le vice-capitaine des Inhamba, Gaël Douhaïndavi, demande aux fans qui seront au stade Prince Louis Gagasore ce samedi de soutenir leur équipe dès le début jusqu'à la fin de ce match. Les détails avec Evariste Nzikobanyang. À quelques heures du match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 entre le Burundi et le Sud-Soudan, la sélection burundaise est au bon fixe selon le coach principal Alain-Olivier Niyungeko qui s'appuie sur la forme des joueurs. Bon, c'est vrai, je dirais à 24 heures du match qui va nous opposer contre le Soudan du Sud. Et les préparatifs sont bons, tous les joueurs sont en forme. Et maintenant, on est en train de mettre les points sur les i pour voir quel joueur qu'on va aligner. Et je pense que tous les joueurs ils sont en forme, mais on va essayer de voir le mélange qu'on va faire pour pouvoir justement affronter ce match. L'entraîneur des Inhamba Murugamba Senior salue l'arrivée des joueurs professionnels qui se sont joints aux joueurs locaux. Alain-Olivier Niyungeko n'a pas hésité de dévoiler la liste des 18 joueurs, une chose qui était jadis secret de Polichinelle. La liste pour ce match, j'ai choisi 18 joueurs. Il y a Jonathan et Yvan, les deux gardiens. J'ai choisi sur les arrières. Il y a Rachid, il y a Moussa, il y a Freddy dans l'axe. Il y a Karim dans le couloir droit. Il y a Pierrot et Gaël. Il y a Cédric, Chassil, Sélémane et Fiston. Et je pense en faisant cette liste, on a pensé à beaucoup de choses, notamment l'entraînement depuis la semaine, depuis la dernière semaine et les autres semaines. Une autre chose de nouveau dévoilée par les joueurs, ce sont les primes promises aux 18 joueurs par la Fédération burundaise de football. Une fois remporté le match de ce samedi, indique Gaël Duhaïndavi, le vice-capitaine des Inhamba. Au public qui viendra au stade ce samedi, le vice-capitaine des Inhamba ne leur demande que leur soutien moral du début à la fin du match. Ce match entre le Burundi et le Soudan du Sud s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 dont la phase finale se déroulera au Cameroun, pays sacré de la CAN 2017. Merci Evariste, c'est par cet élément que nous bouclons les boucles de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine Hakizimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Placide Niyomungere. Bonne soirée à tous. Au revoir.